Bonsoir, eh bien ce soir, Vivre et créer à la montagne est consacré dans une émission spéciale à une conférence locale de la Société d'histoire locale sur le textile, industrie locale. Oui, l'histoire du textile par Jean-Aimé Morisot, un des spécialistes de ce secteur de l'histoire. Et donc, c'est entièrement Romarie Montin et régional comme émission, avec en ponctuation les mandolines d'Ormiremont, donc qui ponctueront les trois séquences qui ont été découpées. Alors cet enregistrement, j'y étais pas, il a été effectué vendredi 8, je n'avais pu y assister, c'est l'ami François qui avait son magnéto et qui donc l'a enregistré, et voilà, cet enregistrement tel que vous allez l'entendre avec, et bien sûr, et là, comme dans toutes les conférences d'histoire, il manque toujours le visuel, bien sûr, ça c'est le propre même de la radio. Alors, pourquoi ce soir j'enregistre, je ne serai pas là au moment de la diffusion. Pourquoi? Parce que je suis au conseil municipal à Bussan, et que à Bussan, eh bien, se joue le sort du presbytère, peut-être pas ce soir, mais bientôt en tout cas, et ça m'oblige cette présence, ce sauvetage qui nous est imposé et sur lequel je vous informerai ultérieurement. Alors ce soir donc c'est une émission un peu plus courte, qui ne fait que 1h15, 1h20, 1h25 avec les musiques, donc voilà. Mais je pense qu'elle vous satisfera pleinement pour toutes les informations qu'elle va vous apporter sur l'histoire de cette industrie majeure de notre secteur. Voilà. Eh bien, je vous laisse à l'écoute. Le presbytère, j'y reviendrai, comme je vous l'ai dit. C'est un presbytère du XVIIIe siècle, qui fait partie d'un ensemble à Bussan, qui est menacé, pas l'église. L'église n'est pas menacée, mais le presbytère l'est. C'est un des plus rares monuments de la vallée. On essaie avec quelques-uns de le défendre. Il y a une consultation en cours. Et bien entendu, les débats sont très vifs à ce sujet. La DRAC est au courant, ainsi que l'inventaire des monuments de Lorraine et d'autres officines. Mais je vous en reparlerai largement, ultérieurement, pour parler du sort de ce bâtiment qui préoccupe beaucoup, non seulement les gens de Bussan, mais toute la vallée de la Moselle, et je dirais quasiment jusqu'à Ormiremont. Quand je pense qu'à Dommartin, on a pu garder une belle maison du patrimoine d'une part, et un beau presbytère qui est devenu la maison des associations d'ailleurs, ce qui donne avec l'église un ensemble très 18e siècle aussi caractéristique. Voilà, mais je reviens à cette soirée de ce soir. Donc c'est le textile avec Jean-Aimé Morisot. Je vous laisse à l'écoute de cette conférence qui a été donnée au Centre culturel la semaine dernière, donc le 8 décembre. Voilà. De l'histoire récente, il nous manque beaucoup de documentation, du recul. En particulier, donc, on ne dispose pas, comme pour la période du 19e siècle, des archives notariales qui sont souvent, donc, qui apportent beaucoup de renseignements. Les journaux, certains qui seraient intéressants, donc, ne sont pas disponibles. Heureusement, la Société d'histoire a récupéré donc une partie des archives de la filature de Méchamp, ce qui permet donc de pas mal parler donc de cette usine. Et donc récemment, nous avons eu le plaisir donc de recevoir à la Société d'Histoire Monsieur Michel Antusevix, qui nous a laissé un certain nombre de documents. 1918, puisque donc cette conférence est le deuxième volet. Un passage en vue des différentes usines de cette époque-là. Alors je vais commencer bien sûr par la Madeleine. Donc la Madeleine, on peut voir avec cette carte les raisons de cette installation donc d'une grande filature à Remiremont après la guerre franco-prussienne donc qui nous a fait perdre l'Alsace. Beaucoup d'Alsaciens donc ne voulant pas devenir allemands ont décidé donc de venir en France. Et donc un certain nombre à Remiremont en particulier, et parmi eux, les familles Schwarz et Antusewicz, donc qui vont être à l'origine de la première grande usine textile de Remiremont, qui est la filature de la Madeleine. Alors pourquoi avoir choisi Remiremont? Parce que c'était une ville qui était relativement proche, la plus proche de l'Alsace, et puis aussi parce que donc il y avait des terrains qui étaient disponibles à proximité de la gare, et que donc le transport devient à cette époque-là pour les usines textiles un élément important. Alors on voit ici donc justement cette voie ferrée donc qui a une dizaine d'années à ce moment-là, et l'emplacement donc de la première filature de la Madeleine. Et on remarque que ce quartier de la Madeleine à cette époque-là est peu peuplé, hein, et donc la filature elle-même va devenir un foyer de peuplement. Alors, je vais passer la suivante. Alors, on voit ici donc une photographie d'avant 1890, donc de la première filature de la Madeleine, qui présente donc les caractéristiques d'une nouvelle vague d'usines avec donc les fameuses toitures à shed. On n'a plus donc les filatures d'antan donc avec deux, trois étages. Là, on a donc des usines en rez-de-chaussée qui occupent beaucoup de place. Et c'est la raison pour laquelle donc la famille Antusewicz, je le rappelle, s'est installée à Remiremont. Il y avait de la place disponible, de grands terrains ici qui appartenaient à l'hôpital de Remiremont. Oui, mais il y aura un problème d'installation puisque ces terrains étaient occupés par la société de tir, qui était très importante à cette époque-là, et donc il faudra dédommager et déplacer la société de tir. Voilà, et on remarque également donc la présence sur cette photographie des premières cités de la Madeleine, dont certains certainement se rappellent, hein, qui étaient donc situées le long de la route d'Alsace, comme on disait, et qui abritait de nombreuses familles d'ouvriers. Va être doublé en 1889 par une seconde filature qui sera donc installée donc immédiatement à proximité. Alors en 1914, il faut moderniser les installations donc de la première filature de la Madeleine qui sont devenues obsolètes. Et donc un rapport va être fait, des devis vont être faits, mais juste à la veille du premier conflit mondial, ce qui fait donc qu'il faudra attendre la fin après la guerre pour pouvoir donc remplir faire cette modernisation. Oui. Alors le capital, donc on le voit, est bien réparti en ce moment entre les deux familles, Schwarz et Antusewicz. Oui. Et donc Jules Schwarz, qui est l'un des fondateurs, et donc est toujours en vie. D'ailleurs, il restera en fonction jusqu'en 1936, date de sa mort. Donc il possède 206 actions. Ensuite, on trouve Alfred et Léon, qui sont des fils de M. Alexandre, donc le fameux Alexandre Antusewicz, donc qui était d'origine polonaise, et qui est venu donc s'installer à Remiremont en 1872. Et puis Gustave Schwarz, donc est le fils, le beau-fils de Jules Schwarz. Oui. Et qui aura donc le malheur de disparaître en 1915 à La Fontenelle. Voilà, donc les statuts donc sont transformés en 1914. La société des filatures de la Madeleine devient une société anonyme. Et pendant la guerre, ce qui peut paraître peu par rapport aux autres filatures, puisque donc il y a une des deux filatures qui n'est plus en activité. Alors, nous arrivons à Béchamp. Donc la filature de Béchamp date de 1894, elle est également l'œuvre des deux familles Schwarz et Antusewicz. Mais là, c'est plutôt les Antusewicz donc qui vont faire fonctionner donc la filature de Béchamp. Pourquoi une nouvelle 5 fils qu'ils voulaient donc placer. Deux ont un certain temps donc émigré à Troyes, mais les affaires sont mal passées. Et ensuite, donc, il faut leur trouver un point de chute, et ce sera donc l'origine de la filature de Béchamp. Alors, donc, le matériel qui est fourni par la SACM, donc, qui est la grande firme productrice de matériel de l'époque, donc, compte 20 400 broches. Et on voit là aussi, donc, on a donc une filature de style tout à fait classique, avec également la grande cheminée. Il y a deux gérants, Georges Dollfuss et Marcel Antusevix. Georges Dollfuss fait partie, donc, enfin, est lié à la famille Schwarz. Donc, il serait trop long ici donc, de rappeler toute la généalogie. Et la direction va être confiée pour un certain temps donc, à un Alsacien, Joseph Faller. Et à cette, pendant la guerre, le personnel est au maximum avec plus de 200 personnes. En 1920, il n'y en aura plus que 150. Et on voit ici donc, Marcel Antusevix, donc, qui sera longtemps à la tête de l'entreprise. De situer un petit peu donc, toutes ces entreprises qui vont s'installer à Choisy et Béchamp. Oui. Donc j'ai parlé de la filature de Béchamp, à proximité de laquelle donc, sera installé après la guerre donc, le stade Gustave Schwarz, avec les cités de la filature donc, de Béchamp, que l'on voit ici. Il y en a d'abord eu une demi-douzaine, puis ensuite donc, on en a rajouté trois nouvelles. On aperçoit en maintenant donc, l'usine qui va m'intéresser, la filature de la Moselle. Donc, que l'on voit ici, qui est situé de l'autre côté, donc, de la rigole d'alimentation, qui alimente le canal de, enfin, l'étang de Bouzet. Oui. Et à côté, une société dont on parlera également, donc, la société vosgienne de coton hydrophile. Donc, on a là une véritable zone industrielle. De la Moselle, donc, présente également, donc, une architecture, donc, en rez-de-chaussée, mais on peut remarquer quand même qu'il y a une certaine élégance. Dans ces bâtiments par rapport donc aux deux autres filatures que j'ai citées. On voit la grande cheminée et on peut lire sur la grande cheminée donc la date de 1908 hein, qui est donc la date de la construction de cette filature par une société en commandite qui regroupe donc les deux frères de guerre André et Jean mais qui bénéficie surtout donc du soutien financier de leur tante, Marie-Adèle, qui est l'épouse donc, d'un riche médecin, le vicomte Maurice de Coëtlosquet, oui, et qui apporte, dont l'apport s'élève entre 600 000 et 800 000 francs par rapport donc, au capital qui est de 1 million de francs. Et la capacité de cette filature est de 25 000 broches, donc elle est un peu supérieure à celle de Béchamp, et elles sont servies, ces 25 000 broches, par 224 ouvriers. Donc, dans certains sont logés dans trois cités ouvrières. Alors, à côté, nous l'avons vu, donc, est installée la société vosgienne de coton hydrophile. Donc, au départ, on avait là, donc, une fabrique de tubes qui était, donc, qui appartenait à un certain Navia. Elle est rachetée, cette fabrique, en 1901 par un colmarien, donc, Auguste Breitenstein, qui va y adjoindre en 1906 un blanchiment de coton. Donc, et en 1911, il va fonder avec plusieurs industriels, donc dont vous avez les noms ici, Peters d'Épinal, Bleck de Bussan, Fels de Rue, et Paul Zeller, un ingénieur, donc la société vosgienne de coton hydrophile. Le capital est de 593 000 francs. Là, vous avez une petite différence sur, mais ça, c'est les statuts qui ont été ensuite refaits, donc vers 1934. 1913, cette société a connu des débuts difficiles, donc on va faire appel à un véritable chimiste, Henri Napoli, originaire du Rhône, pour remonter donc l'affaire, et qui compte 80 salariés en 1915. C'est une entreprise qui a été boostée par la guerre, puisque donc comme elle produisait des pansements, pensez bien, donc on en avait un petit peu besoin donc, pendant la période qui va s'étendre. Et là, on a donc un courrier de l'époque, de 1916, qui montre que la société vosgienne fournit donc le ministère de la guerre. Et on a une petite idée donc objets de pansement. Donc, rue de la Joncherie, donc une autre entreprise qui ressemble un petit peu donc, à la société vosgienne. Ce sont des entreprises qui utilisent les déchets de coton. Donc, comme on a trois grandes filatures, les déchets ne manquent pas. Et donc, l'entreprise Robet, elle aussi a des origines assez anciennes. Les origines se situent vers 1873. Donc, où on a une première filature qui s'installe, créée par un Alsacien, donc Anthony, qui va s'associer plus tard avec Alphonse Robet et Émile Chaudiron pour spécialiser cette usine dans le cardage et l'étirage de coton. En 1912, Alphonse Robet devient le seul propriétaire. Et là aussi, donc, cette entreprise va connaître un bel essor pendant la guerre de 14. Alors, une photographie récente qui montre qu'il reste au moins encore une cheminée donc à Révérence, c'est la cheminée de chez Robet. Autre type d'usine textile, donc on quitte les filatures, donc le tissage mécanique de la mouline, qu'on appelait aussi donc de ramponneau. Et donc c'est un tissage plus ancien donc, que les filatures. Elles sont pas très anciennes quand même, puisque donc, c'est un tissage qui a été construit en 1867 par une jeune femme de Vecoux, qui était apparentée donc, à un patron, donc un entrepreneur donc, de tissage de Vecoux. Ça ne va pas durer longtemps parce qu'elle va avoir de gros problèmes financiers. Et finalement, donc, l'entreprise va être rachetée d'abord par des Parisiens, puis ensuite, donc, en 1877, par la société Charles Edrich Wyss et compagnie. Et donc, elle sera gérée ensuite, à partir de 1882, par la société cotonnière des Vosges, qui rassemble les familles Géliot et Ledrich, et qui donc exploite également donc la filature de l'étarue. Et ce tissage compte à ce moment-là donc 204 métiers servis par environ 150 ouvriers que l'on trouve également donc logés dans des cités ouvrières qui sont situées donc à proximité. Et là donc là aussi une photographie récente qui montre l'entrée du tissage. Oui. C'est la seule partie qui reste véritablement de l'ancien tissage. Donc à la période qui s'étend donc de 1918 à 1939, le début de cette période est marqué par une agitation sociale assez importante. Il y avait déjà eu des grèves dans les usines textiles donc en 1917, puisque donc la guerre a été marquée par une hausse des prix très importante, et donc les salaires ne suivaient pas toujours aussi vite. Et donc, après la guerre, les hommes reviennent, et certains donc sont gagnés par les idées révolutionnaires. C'est l'époque de l'installation du bolchevisme en Russie, donc il y a des adeptes en France. Et donc, il y a toute une agitation qui va donc se faire, en particulier dans les Vosges, dans les années 1919 et 1920. Mais les ouvriers du textile donc répondent très peu à ces appels à la grève. À cette époque-là, donc, on a un personnage qui est très connu à Remiremont, que l'industriel vosgien appelait le gréviculteur. Donc, il s'agit d'Émile Lorraine, qui était donc le secrétaire de l'Union des syndicats de Remiremont et de Saint-Étienne. Émile Lorraine, il était originaire de Saint-Maurice, où il avait déjà donc organisé pas mal de grèves avant la guerre, et puis ensuite, il était devenu indésirable dans la plupart des usines textiles, donc il a dû se reconvertir et dans le commerce ambulant. Oui. Voilà, donc quelques mots maintenant sur une grève, mais qui sera de très courte durée. Le mouvement est connu donc en 1919, il affecte la Madeleine, mais il ne va durer qu'un après-midi, donc le 17 juin. 125 ouvriers sur 145 ont refusé donc de reprendre le travail. Ils réclament une hausse de leur salaire, on leur donnera satisfaction et donc le travail pourra reprendre le matin du jour suivant, donc à 6h30, comme le disent donc les rapports de l'époque. Voilà. Et j'ai remis ici donc pour illustrer donc mon propos donc les fameuses cités de la Madeleine. Alors, la période des années 1920 connaît une certaine embellie. On note quelques créations donc d'entreprises textiles, mais donc qui vont demeurer modestes ou qui ne dureront qu'un temps, parce que par la suite donc il y aura la crise des années 30. Donc parmi ces créations, je peux citer donc la société des établissements Georges Dreyfus, donc qui a été créée en 1924. Et qui disparaît en 1927. Oui. Donc, Georges Dreyfus lui-même donc, décédera à Paris donc, la même année. Il résidait, et son entreprise donc, se trouvait rue Jules Ferry. En 1929, on a une création qui est plus durable. Robert Tyson, Georges Sick, Guy Coquelin, Georges Lang vont créer la société donc, à responsabilité, mais comptoir textile de Remiremont. qui est spécialisé dans la fabrication et le négoce de tous les tissus blancs. Le principal dirigeant, ce sera M. Georges Lang, donc, qui est très connu des Romarimontains, donc qui jouera un rôle important au niveau de la commune. Alors, André Pia, également, donc, en textile de Remiremont, et son but est donc de créer et d'exploiter une manufacture textile à l'emplacement de l'ancienne brasserie Probec. C'est une des premières brasseries de Remiremont qui date de la fin donc, du XVIIIe siècle et donc qui est devenu un grand immeuble d'habitation qui va donc brûler en 1922 et donc c'est à l'emplacement de ces ruines que va s'élever donc le tissage qu'on aperçoit donc sur cette belle photographie de 1936. Oui. Cette entreprise était spécialisée dans la fabrication de serviettes éponges, de couches, de linge de toilette. Alors, quant aux grandes filatures, elles vont donc se moderniser pour pouvoir faire face aux événements. En particulier, donc, à la Madeleine, on va enfin réaliser le programme qui avait été prévu avant la guerre de 14. Et on va commencer par démonter l'ancienne machine à vapeur qui était une machine à balancier, donc les tout premiers modèles, pour en passer donc par une machine plus moderne. Et donc on voit ici une photographie de 1927, montre donc les continus qui ont été mis en place à peu près à cette époque-là, et qui étaient déjà fournis par la SACM. Alors à Béchamp, on va supprimer également donc un certain nombre d'anciens métiers. On va supprimer les renvideurs. Je ne suis pas ingénieur dans le textile, donc je n'entrerai pas dans le détail donc, du matériel. On va donc mettre en place en particulier de nouvelles chaudières, Babcock et Wilcox, qui étaient donc une des grandes marques de l'époque. On va construire trois nouvelles cités, qui sont numérotées 1, 2, 3, qui seront où on aura l'électricité. Oui. Et puis on va donc également assister à un agrandissement de la filature de la Moselle qui va pratiquement doubler sa capacité en passant donc de 20 000 broches à 45 000 broches, oui, qui vont produire des filets d'Amérique cardés de jumelles peignées, oui, de l'époque. Thank you. lotissage de la Bouline va également donc subir des modifications. On va assister à un changement de propriétaire. Vers 1925, j'ai pas retrouvé donc l'acte d'acquisition, le lotissage est acquis par Achille Braun, qui est bien connu donc parce que c'est un industriel de Saint-Maurice, où il avait donc racheté le lotissage des Ajoles. Le lotissage des Ajoles, c'est aujourd'hui l'emplacement de la grande usine Lévesque, qui est maintenant donc qui n'est plus active, mais donc qui appartenait aux établissements Lévesque, avant donc d'être arrêté. Voilà. Et les sheds, hein, qui se trouvent donc derrière la grande entrée que j'ai montrée tout à l'heure. Alors, on arrive maintenant dans les années 30, qui sont marquées donc par une grande crise économique qui a débuté, comme tout le monde le sait, donc en 1929 aux États-Unis. Elle va toucher plus tardivement la France, parce qu'elle était encore assez protégée donc par des barrières douanières. Mais à partir de 1931, on va assister donc à des réductions d'horaires pour essayer de faire face donc aux difficultés. Là, par exemple, j'ai replacé donc une affiche du syndicat donc des industriels cotonniers qui indique que on va être obligé donc de réduire les horaires de travail. Mais la crise est tellement importante que la filature de la Moselle va devoir cesser toute activité pendant donc 2 ans. Et la raison, bien, c'est que le grand bailleur de fonds, donc la comtesse de Kwetlowski, bien, va disparaître, et donc avec elle l'argent donc qu'elle dispensait à ses neveux. Aux grèves de 1936, elle n'éclate pas en même temps que le grand mouvement de grève qui touche la France au mois de mai, mais donc on les voit quand même. Ici, on aperçoit donc un défilé des grévistes dans les rues de Remiremont. Ces grèves ont abouti aux accords de Matignon, et donc les ouvriers du textile ont obtenu une hausse moyenne de 15% de leur salaire, ce qui laissait penser aux industriels donc que le calme allait régner dans les entreprises, mais dès la fin du mois de juin, donc les grèves vont éclater. Voilà, ça passe à la suite. Voilà, le 27 juin, donc une grève importante donc affecte la filature de la Madeleine. Ici, j'ai représenté donc des revendications qui avaient été déposées par les ouvriers de la filature de l'Échamp. Oui. Et donc, reconnaissance du droit syndical, enfin, donc, on a là toutes les données de l'époque. Aucune sanction ni grumeaux contre les délégués syndiqués, application des nouvelles lois sur les congés payés, ça permet de rappeler donc, les grandes conquêtes de cette époque-là, les congés payés, la semaine de 40 heures, sans diminution de salaire, les contrats collectifs. Et puis, des points de plus particuliers, donc concernant le confort des cités, etc., etc. Et donc, on a la réponse de la direction, donc, qui indique qu'un certain nombre de ces revendications ont déjà donc été satisfaites. Voilà. Donc, la grève, donc, s'étend à un certain nombre d'usines, donc de Remiremont, elle est totale à la Madeleine et à Béchamp, avec quelque chose de nouveau à l'époque, qui est l'occupation des usines. Oui. Et également, donc, les ouvriers de la Mouline et de l'entreprise Robet finiront également par se mettre en grève. On peut parler d'un feuilleton de la filature de la Moselle, parce qu'elle connaît bien des péripéties, donc, pendant toute la période qui nous intéresse. En août 1936, elle va pouvoir renaître, oui. En août 1936, donc, on assiste à la création de la Société fermière des filatures et tissages de la Moselle, dont les principaux dirigeants sont le marquis Thibault de Solages, qui est lié à la famille donc, de guerre, et puis donc, un certain monsieur Jean Schneider, pour lequel je n'ai pas de renseignement. Donc ils vont prendre à bail les usines, au départ pour 50 000 francs par an, puis ensuite, donc, il est prévu que ce bail monte à 250 000 francs en 1937. Donc la reprise de l'activité a lieu en septembre 1936. Alors c'est une date un peu particulière, puisqu'à ce moment-là, donc, de nouvelles grèves vont affecter donc, tout le textile bourgien. Oui. Mais je pense qu'ils étaient contents de pouvoir reprendre le travail. Et j'ai indiqué que c'est le directeur de la Moselle donc reste en place. Il s'agissait donc d'Adrien Weiss, qui était très apprécié du personnel. Ça nous amène également, donc, on assiste à des changements. En 1936, les époux Braun décèdent. D'abord Madame Braun, puis ensuite donc Achille Braun. Achille Braun, donc, dont il faut rappeler qu'il était, il a été maire de Saint-Maurice. On a ici donc une vue de la tombe du cimetière de Saint-Maurice. Et donc les époux Braun avaient deux filles. Donc Marcel, épouse d'Albert Brouillon, dont il sera question après, et Suzanne, épouse d'Auguste de la Fenêtre. Mais la direction effective, à partir de ce moment-là, sera assurée par Auguste de la Fenêtre. En 1936, ce tissage comporte 208 métiers à tisser, munis de ratières, une préparation complète, un local servant de réception et de bureau, et des cités ouvrières que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. Alors on arrive à la Deuxième Guerre mondiale, avec donc d'abord le début de la guerre, donc début septembre 1939, la mobilisation comme en 1914 va entraîner donc un certain arrêt de l'activité puisque une grande partie du personnel masculin donc est mobilisé, ce sera d'assez courte durée. Parmi les gens qui sont mobilisés, il y a en particulier donc Adrien Weiss, donc, que j'ai cité tout à l'heure, et donc Marcel Antusevix, qui ne regardera ce dernier qu'après l'armistice de 1940. Alors il y aura des dégâts dans les usines, en particulier donc à Béchamp, où un régiment allemand va loger donc le 23 juin et occasionnera pour plus de 40 000 francs de dégâts. L'occupation va entraîner la fermeture de nombreuses usines en France, parce qu'on va concentrer donc le personnel dans quelques entreprises seulement. Et le 15 juin 1942, donc, c'est la filature de Béchamp donc, qui doit s'arrêter. L'arrêt va durer plusieurs années. Mais la direction va prendre des mesures pour conserver une partie du personnel, en particulier donc les femmes auxquelles on va donc confier des travaux de tricotage. Oui. Et puis également donc la direction va se préoccuper du ravitaillement donc du personnel qui n'a plus d'activité. La filature de la Moselle toujours donc du nouveau. Donc en 1943. André et Jean de Guerre vont céder leurs 1000 parts aux frères Rouillon, Georges et Albert, donc, que j'ai déjà évoqué, donc Albert Rouillon tout à l'heure, qui sont des industriels bien connus au Thio et à Remiremont. Et la gérance va être assurée un certain temps par Georges Rouillon, et la direction toujours par Adrien Weiss. Donc ensuite, on a. Je viens de parler de la famille Rouillon. Et sur la libération. Va également occasionner donc des destructions. On voit ici un char américain donc devant la gare, mais donc il y a eu un certain nombre de combats pour chasser les Allemands et donc ce sont les Américains en particulier qui vont envoyer des obus incendiaires explosifs sur la toiture de la filature du magasin des cités de Béchamp. Également, les soldats américains vont cantonner un certain temps donc dans l'usine et vont occasionner eux aussi donc des dégâts. Alors l'après-guerre, donc les difficultés vont persister. Il y a toujours des problèmes de ravitaillement. On manque de nombreuses matières premières. Donc à Béchamp, on se rend compte donc que le matériel est complètement usé pendant donc des années, donc on n'a pas pu donc remplacer certaines pièces, mais malheureusement donc on commande du nouveau matériel, et comme on manque, comme je viens de le dire, de matières premières, et eh bien donc il faudra attendre 2-3 ans avant que ce matériel soit livré. Oui. C'est le cas en particulier du nouveau matériel de battage et des 13 bancs à broche qui seront livrés dans un délai de 3 ans. On en profite également pour améliorer le confort des cités avec l'eau courante, donc qui va enfin arriver donc dans les cités en 1947. Et donc également, on améliore les conditions d'hygiène à la filature. Donc là, on a une photographie récente des cités de Béchamp. Les années 50 sont marquées par une grave crise du textile qui est liée en particulier à la décolonisation. Les industriels français donc, avaient un beau marché devant eux, c'était celui qui était offert par les colonies. Et comme ces colonies vont devenir petit à petit indépendantes, donc ces marchés vont petit à petit échapper à nos industriels. Et les premiers à faire les frais de cette histoire, ce seront les entreprises qui manquent de moyens et qui ne peuvent pas se moderniser. Mais à côté de cela, donc, les effectifs des grandes usines de Remiremont restent importants. Je vous les donne ici. Donc en 1953-54, à Béchamp, il y a 130 ouvriers, 200 à la Madeleine, qui montrent que là, les deux filatures donc, fonctionnent. La filature de la Moselle, 187, le tissage de la Mouline, 50, et la Société des cotons hydrophiles, 50. Alors, les filatures continuent à se moderniser. Donc je l'ai déjà dit, donc en particulier, donc on met en place de nouveaux continus à filer commandés électriquement. En 1952, les cartes sont renouvelées. En 1956, toute l'usine est électrifiée. Et j'ai présenté ici un tableau de l'encadrement de cette filature avec donc comme président directeur général Marcel Antusevix, qui habite rue du Breuil, Alain Coquelin, donc qui jouera par la suite un rôle important. René Granderie, qui est le directeur technique, Georges Gobi, qui est le fondé de pouvoir, et puis donc Maurice Germain, qui est le comptable. Et je me demande, c'est pas Maurice Germain, s'il n'est pas lié au Germain donc, de Ventron. Enfin, être comptable. Enfin, parfois, les enfants des industriels devaient commencer parfois à la base. Oui. Alors, l'une des victimes à Remiremont donc de cette crise, eh bien, c'est le tissage de la Mouline, qui, je l'ai mis, intervient discrètement en avril 1955. J'ai regardé dans les journaux de l'époque, on a un petit entrefilet, mais il n'y a donc pas beaucoup donc, de renseignements qui sont donnés. Et voilà, de nouveau, donc l'entrée. Alors, toujours des difficultés à la filature de la Moselle. En 1952, donc, meurt Adrien Weiss, donc, dont j'ai dit qu'il était donc, très aimé du personnel. Ensuite, donc, les liens vont se distendre entre le personnel et la direction donc, de l'entreprise. Le 1er janvier 1954, donc, une nouvelle société est mise en place, filature de la Moselle, au capital d'un million de francs. On remarque le siège est 10 place Carnot à Nancy, donc, qui est l'adresse d'Albert Rouillon. Oui. La présidente est Nicole Picot, la deuxième épouse d'Albert Rouillon. C'est-à-dire que comme Albert Rouillon était notaire, il ne peut pas donc, cumuler avec les fonctions donc, de président directeur général, mais ça ne va pas durer longtemps. Hein. Voilà. Et Albert Rouillon est cependant donc, directeur général. Là, j'ai présenté ici les bureaux de cette filature. Alors, les filatures vont connaître une année 1955. Je le dis particulièrement calamiteuse. Le 22 mars, donc, on assiste à un débrayage du personnel pour protester contre le renvoi du concierge. On remarque que à cette époque-là, dans les usines textiles, on élimine certains postes pour essayer de faire des économies. Le 31 mars, un incendie donc, qui éclate dans la salle des batteurs et qui va provoquer un arrêt d'une quinzaine de jours. Le 11 juin, Nicole Picot, donc la présidente directrice générale, donc, disparaît à Cannes. Elle est remplacée donc, par son mari comme PDG. Et en novembre, eh bien, la situation est désastreuse au niveau financier. Donc il faut réduire l'activité et également donc, le personnel. La direction répond par... Alors le personnel va faire grève. Il faut savoir donc un syndicat s'est formé, donc un syndicat CGT, et à partir du 22 novembre, donc une grève va paralyser donc, l'entreprise. La direction va répondre par le lock-out, c'est-à-dire la fermeture de l'entreprise et le renvoi des ouvriers grévistes. Alors on a ici donc un extrait donc, du journal des comptes rendus du conseil d'administration, peut-être de la main donc, d'Albert Rouillon, hein, qui indique donc qu'on va donc mettre à la retraite donc les ouvriers et ouvrières de plus de 60 ans, et qu'également donc quand il y aura des couples d'ouvriers donc à la filature, eh bien on n'en gardera qu'un donc parmi le personnel. Voilà. Alors, ces mesures entraînent donc un redressement, mais qui sera de courte durée. Oui. Et donc le personnel, donc on le voit, diminue beaucoup. Il passe de 250 à 150 entre 1953 et 1956. Le nombre de broches a été ramené à 25 000, qui sont mieux rentabilisées grâce au travail en équipe. Et puis, donc les difficultés continuent, et finalement, donc les filatures de la Moselle sont reprises par un groupe normand qui s'appelle le groupe Keval, donc qui est basé à Rouen ou dans la banlieue. Et donc en juillet 1959, la composition du conseil d'administration montre cette reconversion de la filature dans la confection de chemises. Le président est Marcel Masseline, donc de Rouen, les administrateurs Jean Keval, Philippe Keval, Bernard Ratouis et Albert Rouillon. Albert Rouillon ne va pas rester très longtemps. Quant à Bernard Ratouis, donc, il faut rappeler qu'il s'agit donc d'un industriel de Saint-Maurice qui essaye donc de faire de nouveaux tissus pour pouvoir justement sauver son entreprise, et qui fournit en particulier donc les entreprises de l'habillement. Et c'est lui qui va superviser les travaux de la reconversion. Et la chemiserie va pouvoir démarrer le 14 décembre 1959. Il faudra attendre le 12 février suivant pour que l'inauguration officielle donc ait lieu en présence du préfet des Vosges. Et voilà donc la suite. Je n'ai pas trouvé donc la date de la disparition donc de la chemiserie Keval, mais on sait qu'ensuite donc les bâtiments seront repris par Big Mat Matériaux. Donc aux filatures de la Madeleine et de Béchamp, donc entre 1980 et 2005. On a ici une belle carte postale donc qui montre bien donc l'étendue de ces filatures. Et bon, la grande cheminée qui domine l'ensemble. Il y a encore, donc on le voit, les cités de la route d'Alsace. Oui. Et voilà, donc à côté, j'ai placé donc une fiche qui est tiré d'un magazine qui s'appelle L'Essor et qui donc est un, a fait l'analyse donc de toutes les entreprises qui existent dans les Vosges à l'époque-là. Oui. Donc le PDG est Michel Antusevic, le directeur technique Bernard Antusevic. On retrouve également donc Michel Antusevic donc comme directeur commercial. L'effectif est de 290 personnes, donc il est encore important. Et on produit donc des filets crus, gros et moyens, des filets open-end, des cotons et des artificiels. Et la production est de 5000 tonnes de fil par an. Et donc les deux visages connus par les anciens. Donc Monsieur Michel Antusevic, qui est revenu récemment, hein, quand il a appris qu'on était en train de démolir donc la cheminée de la filature de la Madeleine. On le voit ici, donc il n'est pas très heureux. Et puis donc son cousin, donc Bernard Antusevic. Il faut noter qu'ils sont nés tous les deux la même année, hein, et que tous les deux ont fait donc des études, donc en particulier à l'École supérieure de commerce de Paris. Béchamp, donc on voit ici une publicité donc parue également dans le bulletin municipal. Donc la filature de Béchamp a une superficie couverte de 8000 m². Le PDG est Alain Coquelin. Donc Alain Coquelin, le fils de Guy Coquelin et de Violette Antusevic. Il est né en 1922 et il a succédé en 1970 donc à son oncle Marcel. Donc il réside à Saint-Nabord et c'était un passionné de ski. À partir de 1972, donc il va consacrer tout son temps à la mutation du matériel textile. La culture de Béchamp s'honorait d'avoir été une des premières en France donc à adopter le procédé open-end, qui est donc un procédé révolutionnaire en filature qui permet donc de rassembler plusieurs opérations de filature et ainsi donc de pouvoir diminuer la main d'œuvre nécessaire et bien sûr donc le coût de cette main d'œuvre. Et l'une des grandes sociétés qui fournit le matériel, c'est la société Ritter, donc est une société suisse basée à Winterthur, hein, et qui montre qu'à cette époque-là, donc la France a perdu un petit peu donc le contrôle de la fabrication du matériel technique au profit de la Suisse, de l'Allemagne, etc. Exit la SACM, donc qui était très connue auparavant. Thank you. à la catastrophe de février 1990. On a là donc de magnifiques photos. J'aurais pu en présenter d'autres donc, qui ont été confiées justement par M. Michel Ortsevitz. On voit ici donc le résultat donc, de l'inondation du 12 février. Donc, les jours précédents, il y a eu, on connaît très bien le phénomène dans nos Vosges, donc d'importantes chutes de neige, suivies d'un épisode pluvieux, et bien sûr donc des crues de toutes les rivières, et un revirement. On a juste de terminer la déviation, et bien sûr on a accusé cette déviation d'avoir servi de barrage et d'avoir donc permis une meilleure invasion des locaux donc par la Moselle et le Bouchot. Hein, bien sûr. Donc on voit ici les deux filatures sous les eaux. Et une vue de l'intérieur. Voilà. On imagine donc les dégâts qui ont été donc la conséquence de cette inondation. Alors, ici, les journaux, bien sûr, relataient en détail ce qui s'était passé donc ces jours-là. Et on voit ici M. Georges Antusevitz, donc qui est le père de Bernard Antusevitz, et qui paraît donc bien désolé devant donc ce désastre. Et bien sûr, à ce moment, on se pose la question de savoir si la filature va pouvoir s'en remettre, mais finalement, eh bien, elle va rebondir. Donc, une des conséquences, c'est bien sûr donc la mise au chômage d'une partie du personnel. Monsieur Alain Coquelin donc part en retraite et il va céder donc ses parts dans l'entreprise de Béchamp à aux filatures de la Madeleine qui vont devenir majoritaires et donc maintenant on aura une seule direction donc pour les deux filatures et donc ça leur permettra de mieux travailler en commun. Alors deux page d'une publicité commune hein, qui montre le rapprochement entre les deux filatures et qui montre également donc la modernisation du matériel. Je ne vais pas vous lire donc toutes les références techniques. Et je vous ai dit qu'on allait rebondir. Donc dès 1988, on a mis en place donc une nouvelle structure qui s'appelait Madeleine Création, qui propose, comme vous pouvez le lire, donc, de nouveaux produits textiles. Et donc, on a quelques renseignements supplémentaires, seulement en 1994, dans un article où M. Michel Ortsevitz indique que l'inondation a permis de rénover complètement l'organisation et d'acquérir des machines de préparation capables de traiter trois coloris. Donc, Madeleine de Création vient de créer et lancer un article en coton, Sally Fox, et également donc des produits teints naturellement et des mélanges coton-laine. Je ne suis pas spécialiste, donc je ne m'avancerai pas. On en profite pour célébrer donc, le centenaire de la filature de Béchamp. Donc, on a droit à un bel article dans un complément donc, de l'Est républicain que vous voyez ici, avec une des dernières vues de cette filature de Béchamp. Et en 1999, donc les choses vont s'accélérer. En juillet, la production baisse fortement. Il faut réduire à nouveau le personnel. Donc il y a 9 départs qui sont donc réalisés, dont 6 en pré-retraite. À Béchamp, on ne compte plus que 33 salariés, à la Madeleine 44. Et la filature, finalement, ferme définitivement le 20 décembre 1999. Donc, entraînant la suppression de 27 emplois. Ensuite, donc, comme ça représente donc une belle surface à proximité donc de la ville, on peut penser donc que les terrains sont sollicités. Et donc, dans un premier temps, on pense donc installer un projet de super-rue, mais donc il sera refusé par sous la pression donc des commerçants Romarie-Montin. Et par la suite, donc, ce sera une zone commerciale qui sera édifiée à la place. Et on voit ici, donc, M. Bernard Antusevitz, donc, bien désolé, devant les bâtiments de la filature de... Quant à Madeleine Création, donc, ces jours sont également comptés. Et le 5 avril 2005, eh bien, donc, la société est mise en redressement judiciaire, alors qu'elle emploie encore 41 salariés. Et on indique bien sûr les raisons de cette fermeture, c'est que malgré la modernisation, eh bien, on ne peut rien contre les importations venus en particulier du Pakistan et de Chine. Donc c'est impossible pour les dirigeants de continuer à faire tourner l'entreprise. Ensuite, bien sûr, les bâtiments vont être déconstruits, comme on dit actuellement. On voit ici, juste avant la démolition, on aperçoit au milieu les bureaux, et puis des grands bâtiments de la filature. L'emplacement est occupé en grande partie par l'éco-quartier. Voilà. Passons maintenant à la société vosgienne de coton hydrophile. On a ici une vue des bâtiments vers 1950, qui sont bien connus de notre président. Alors là, cette société vosgienne de coton hydrophile a pour président directeur général Jean Riston, qui est un industriel qui a plusieurs casquettes dans les Vosges, puisqu'on le trouve aussi à Julien Rue, si mes souvenirs sont bons. Le directeur général est René Baumgartner, qui sera ensuite suivi par son fils Hubert en 1966. Le personnel est d'environ 55 à 60 salariés. En 1951, une filiale est créée qui s'appelle la Société Vosgienne de Produits Médicaux et qui est plus particulièrement chargée de la vente des produits de cette société. En 1966, une nouvelle unité de production va être créée à Fallières, à Saint-Nabord. On voit ici une vue de ces nouveaux bâtiments. En 1980, la société est en plein essor, compte 225 salariés. La production consiste en coton hydrophile, ouate de pansement, articles d'hygiène. Une partie des activités est transférée à Rue-sur-Moselle en 1989. Cette société est mise en liquidation en 1991. Elle est reprise par la société Lohmann Médical, dont le siège est dans l'Aube. Et ensuite, c'est l'ensemble de la société vosgienne des cotons hydrophiles qui va tomber dans le gousset de Lohmann et Rocher, qui va délocaliser une partie des activités, en particulier en Vosges. Dans ce qu'on peut appeler le textile cotonnier, on constate dans les années 1950 une envolée d'un autre secteur du textile. Et il s'agit de ce qu'on appelle le textile habillement, la confection. On voit ici un certain nombre de ces entreprises qui sont encore connues des anciens Romarimontains. Donc il y a le comptoir textile qui se trouvait rue du Capitaine Fleyel. Les établissements Briofrère, les établissements Werner, la fabrication GR, André et Pierre et compagnie que j'ai cité tout à l'heure, la manufacture de Blanc des Vosges, l'entreprise Riette et la société Bloc. On va évoquer maintenant certaines de ces entreprises. Donc, je vais demander à Philippe. La société André et Pierre, je rappelle, est rue des Brasseries. On le voit, elle fait toujours des serviettes éponges, du blanc et de la couleur, des couches. Elle est mentionnée en 1953, elle apparaît encore en 1965 dans l'annuaire du syndicat cotonnier de l'Est. Elle est dirigée à ce moment-là par Yvan Piat, qui est un descendant du fondateur André Piat. Et en 1959, mais je n'ai pas plus de renseignements que cela, elle devient fabrication et finissage textile. Et puis, elle disparaîtra par la suite. Les établissements Werner, René Werner est un loya, il est né en 1989. Il a racheté les biens de Georges Dreyfus, que j'ai évoqué tout à l'heure, rue Jules Ferry, pour y créer une manufacture de lingerie. Après son décès en 1948, c'est son épouse, Berthe Bastien, qui lui succède, menant l'entreprise à son apogée en 1958 avec 280 employés. Elle disparaît en 1979. Il faut se méfier des chiffres qui sont parfois donnés là, parce que il semble que ces entreprises de confection aient eu pas mal d'ateliers en dehors de Miremont. Oui, parce qu'à ce moment-là, on assiste à une envolée de ces fabrications et on essaye de s'installer partout où il y a de la main. Ça, c'est les locaux. Entreprise bien connue, le comptoir textile de Miremont. Je vous l'ai dit qu'il avait été créé en 1929. Les premiers administrateurs sont Georges Lang et Robert Tyson. Et les locaux sont situés 6 avenue du Capitaine Fleyel. C'est un beau bâtiment qui existe encore aujourd'hui. Les fabrications GR, la famille Remy est une vieille famille romarimontaine qui s'est consacrée au textile, à la fois dans la vente. Le petit-fils de Pierre Remy, qui exploitait un négoce de tissu Grande Rue, est à l'origine probablement donc de la société Fabrication GR. Donc les ateliers, j'ai retrouvé une fiche de renseignement donc dans les papiers de Béchamp, qui indique donc que les ateliers sont dotés de belles installations techniques, dans bon nombre de métiers, d'un matériel roulant de valeur appréciable. Les effectifs déclarés en 1953-58 sont de 183 et 203 salariés. Et c'est je parlais de la délocalisation, c'est pas tout à fait une délocalisation, mais la société Fabrication GR va ouvrir un atelier à Remiremont en 1960 dans les locaux donc d'une société qui venait de déposer son bilan. Les établissements Briot. Donc, à l'origine de cette famille, donc on a un tonnelier qui habitait donc place de Maxonrue, la place Jules Méline d'aujourd'hui, et ses deux fils donc vont créer, ils s'appelaient Georges et Paul Roger, vont créer donc en 1933 la société Brio Frères, qui va disposer d'un magasin place Jules Méline et d'un atelier construit avant 1938, 6 faubourg de la Croisette. À noter que Georges Briot donc est décédé prématurément donc en 1939, oui, mais bon, la société continuera quand même. Et en 1957, à la suite d'un différend intervenu dans la famille, donc on va assister à une scission de cette société Briot qui va donner naissance à deux nouvelles sociétés, R. Briot Aîné et Compagnie et la manufacture de Blanc des Vosges. Là, vous avez donc une en-tête de l'entreprise Herbrio Aîné, qui elle va créer un atelier pendant 2 ou 3 ans donc au Tillot, à la maison Saint-Jean, donc qui se trouvait près de l'église. Et puis la manufacture du Blanc des Vosges, dont les bâtiments en plutôt des états donc existent encore rue de la Joncherie. Elle fait une photo, mais on n'a pas pu la passer. Donc alors. Vous voyez, elle est spécialisée donc, dans les tés d'oreiller et elle pratique le blanchiment sur craie à Gérardmer. Le principal dirigeant de cette manufacture était Claude Briot, donc, qui avait épousé la fille du notaire Pfund. D'autres confectionnaires qui sont moins connus, mais qui existent cependant, donc, il y a René Tournier, donc, qui était rue des Bruchottes, et qui occupait donc, 41 salariés en 1959 avant de disparaître l'année suivante. Grunenberger donc est ancienne à Remiremont puisque donc dès 1854 donc elle a fondé donc une fabrique de peigne et de lame à tisser donc était très utile dans les tissages. Ensuite donc on va y créer donc une retorderie et une fileterie qui emploie 28 personnes et qui va être mise en vente en 1953. On apprend à ce moment-là que cette entreprise est actionnée par un moteur diesel et elle comprend un dévidoir double de 8 pelotonneuses et 4 machines à retour. Voilà, et on voit ici une vue des bâtiments que j'ai pas pu donc trop les... C'est un buvard que, publicitaire qui avait été... Voilà. Les personnes donc qui m'ont donné un bon coup de main donc, pour réaliser cette conférence, donc Gérard, donc à la manœuvre ici, donc pour la réalisation de... Donc il m'a donné beaucoup de renseignements, parce qu'il c'est un grand connaisseur donc, de toutes les activités économiques de Remiremont. Sans oublier donc, Jean-Claude et Jean-Pierre donc, pour le prêt donc, de documents d'illustration, qui sont très importants. Et puis bien sûr le service des archives municipales. Bien, donc ça a rappelé beaucoup de souvenirs, je pense. Certains parmi vous ont travaillé dans ces usines, dans ces entreprises. Alors vous avez peut-être des questions ou des précisions à apporter ou... Je me présente Jean-François Cherlel. J'ai été directeur des filatures de la Madeleine en 1980, jusqu'en 91, suite après l'inondation. J'ai fait l'école de filature d'Épinal et je suis rentré à la Madeleine en 1972. Voilà. Mon arrière-grand-père était venu avec la famille Schwarz-Ortusevich d'Alsace. Ils ont été installés dans la première cité qui a été créée. Mon grand-père et ma grand-mère sont nés dans les cités. Pour l'histoire, ma grand-mère est morte dans la pièce où elle est née, dans la cité du milieu, la Madeleine, là. Toute ma famille a travaillé dans le textile. Et puis moi, j'étais le dernier à faire ma carrière dans le textile. J'ai vécu l'inondation, pour moi, ça a été... j'ai suivi avec intérêt toute l'évolution avec Béchamp et tout ça, parce que j'étais quand même en première ligne. Et j'ai été profondément marqué par l'inondation du 15 février 90, parce que ce jour-là, j'étais tout seul, M. Bernard Antusiewicz était à Paris, et les ouvriers m'ont appelé à 6h du matin en me disant « on entend un drôle de bruit dans l'usine ». En fait, je savais ce que c'était, c'est un ventilateur qui était souterrain, il était en train de tourner dans l'eau. Donc je suis descendu à toute vitesse et j'ai fait couper le 20 000 volts, parce qu'on était alimenté en 20 000 volts en souterrain. Vous imaginez le feu d'artifice que ça aurait fait à ce moment-là dans l'usine. Coup de courant hein, au mois de février, à 6-7 heures du matin, ça veut dire qu'il fait nuit dans l'usine. J'ai réuni tout le personnel, et j'aurais expliqué ce qui allait se passer, j'en savais trop rien, mais j'essayais d'anticiper, parce qu'il y avait quand même des gens qui travaillaient, des problèmes de sécurité, quand on voit plus clair dans une usine. Le temps que je parle, il y avait un regard électrique qui était ouvert dans le sol, et je voyais l'eau, au fur et à mesure que je parlais, je voyais l'eau qui montait. Alors j'ai dit, bon, bah, dépêchons-nous, mettons tout sur des palettes, essayons de sauver tout ce qu'on peut sauver. Tout le monde s'est mis. Au bout d'un moment, les gens marchaient dans l'eau, pataugeaient dans l'eau. Bon, les femmes sont toujours habillées légèrement, parce qu'il fait très chaud dans les filatures, les petites chaussures, tout le monde, je l'entendais claquer. J'ai dit, les femmes, vous rentrez chez vous, reste avec moi les hommes qui ont des bottes. Et puis, 2 heures après, ben, reste avec moi les hommes qui ont des cuissardes. Donc, on s'est retrouvés à 3. L'eau arrivait de partout, j'ai fait évacuer, bien sûr, tout le personnel. Je suis resté, j'ai été rechercher un caméscope chez moi pour filmer. Bien m'en a pris, parce que malgré moi, j'ai filmé, j'ai fait le tour de l'usine, on ne peut plus rien faire dans l'usine le matin. J'ai fait le tour de l'usine et j'ai vu par où l'eau arrivait. On avait parlé tout à l'heure, et c'est bien ce qu'on appelle la pénétrante, donc c'est cette route qui a été créée, qui a été rajoutée au projet de la voie de contournement 4 voies de Miremont. Il était rajouté. Ce rajout-là n'était pas terminé, il a fait barrage, puisque vous voyez comment il est, hein, c'est le pont qui va à Leclerc. Il était au travers de la rivière, il a fait barrage, c'était pas terminé. Là où on va au plan d'eau, sous un grand, je sais pas si vous voyez, un grand truc en béton, là on passe tout compte, il y a un méchant virage, là c'était bloqué. Ça faisait un verrou, toute l'eau s'accumulait, et l'eau s'est infiltrée, elle est remontée dans la Madeleine qui se trouvait dans une cuvette. Et cette eau-là a entièrement inondé la rivière. J'ai eu la chance de pouvoir filmer le processus pendant qu'il était en formation, qui plus est avec le commentaire d'un technicien qui me disait qu'il a exactement décrit le phénomène, donc c'était pas moi qui le disait. Et disons que ça a permis à la Madeleine, en particulier à ses assureurs, de gagner le procès contre l'État, puisque l'État était responsable des dommages causés à la filature. Voilà. Et par la petite histoire... comme l'usine a été arrêtée pendant 8 mois en perte d'exploitation, donc les ouvriers étaient payés par les assurances, ça m'a permis de faire la connaissance du cabinet Pira, M. Ispira, et c'est comme ça que je suis reparti après dans l'expertise, et j'étais 20 ans à la Madeleine et 21 ans dans l'expertise. Non, mais je voudrais simplement revenir aux établissements Werner, parce que les établissements Werner, c'est ma maman, mes tantes, qui ont été les premières à travailler avec Madame et Monsieur Werner. Ils étaient 6 au début, dans un petit atelier. Maman était contremaîtresse, puis elle a eu mon frère aîné, et Madame Werner ne voulait pas perdre une employée qui avait été celle qui avait appris à son mari à coudre, etc., sur une machine. Et je voudrais rappeler ça, parce que c'est quelque chose de très émouvant. Maman, quand elle a eu mon frère, en 1935, cousait à la maison. Madame Werner lui avait confié une machine de l'atelier que nous avons gardée jusqu'après le décès de mes parents. Et Madame Werner avait confié cette machine, et mon frère cousait avec maman, c'est-à-dire qu'il était assis sur ses épaules, et maman cousait les tés d'oreiller pour l'entreprise Werner, qui ensuite à employer mes tantes et ensuite à prospérer et beaucoup. Et je voudrais dire que Madame Werner était quelqu'un d'extraordinaire, que j'ai connu personnellement, et que ma tante mourante à la maison, une de mes tantes mourante à la maison, a été entièrement protégée par Madame Werner, qui payait ses frais médicaux, qui payait ses repas, parce que mes parents ne pouvaient pas subvenir au repas de ma tante, qui était très gravement malade et pour laquelle il fallait des produits que mes parents ne pouvaient pas acheter. Et Madame Werner venait voir tous les jours ma tante, à payer la pierre tombale, à payer l'enterrement. Et je voudrais honorer la mémoire de cette dame, c'était une grande dame, sur ses hauts talons, 1m60 ou 1m56, mais c'était vraiment une grande dame et je voudrais qu'on l'applaudisse ce soir. Mais on parle de patrons humains. Je peux vous dire que les patrons de la Madeleine et les patrons de Béchamp étaient profondément humains. Et vraiment, le personnel, on accuse souvent, on parle de paternalisme. Aujourd'hui, c'est un côté péjoratif, mais c'est faux. C'était des gens qui étaient à l'écoute, c'était des gens qui étaient près du personnel, qui l'écoutaient. Personnellement, je sais que Bernard Antunovitch a aidé financièrement des personnes qui étaient la difficulté avec ses propres deniers. Les ouvriers avaient des problèmes. Hop, discrètement, ils les aidaient. Donc on voit pas ça partout. Et vraiment, ils se sont accrochés à la filature. Je sais très bien, il n'y avait pas de voiture de fonction. Moi, j'assistais au conseil d'administration. Les actionnaires voulaient toujours récupérer quelque chose. Bernard, Georges Antunovitch, Michel Antunovitch, les dirigeants disaient « Non, on investit. » 10% des fois du chiffre d'affaires en investissement, c'était une course folle pour arriver au final. Les dernières années, on faisait 1000 tonnes de fil par mois. Je ne sais pas si vous voyez ce que représente 1000 tonnes de fil par mois, Béchamp et la Madeleine. Et à la fin de l'année, on gagnait 0 francs, 0 centimes. C'est-à-dire qu'on faisait travailler 400 personnes, on travaillait 1000 tonnes de fil et on ne gagnait rien à la fin de l'année. Parce qu'une fois qu'on avait payé l'électricité, la matière première et les salaires, il ne restait rien dans la caisse. Alors quand vous êtes patron, que vous donnez du mal, ça fait quand même, il y a du travail, les lois sociales qui n'ont pas arrêté d'aggraver les choses, d'aggraver dans le bon sens des termes pour les ouvriers, mais pour le patronat, des contraintes qui se cumulaient. La création des syndicats qui n'ont pas toujours compris la situation. Parler de Madame Werner, mais je crois qu'on peut aussi tirer le chapeau à la famille Antunovitch et à la famille Kepler. Pour des Allemands qui avaient cantonné dans l'usine, j'ai eu l'occasion de voir, il n'y a pas longtemps, il y a 8 jours, une carte des Allemands de toute la Lorraine, avec pour chaque village, toutes les industries étaient marquées d'une couleur, les ateliers de fabrication, tout ce qui était alimentaire d'une autre couleur, tout était très bien répertorié. Donc cette carte avait été subtilisée, elle est restée à Éloi pendant des années, et c'est aujourd'hui Pierre Mathieu qui a pu la récupérer, et qui compte par la suite la mettre aux archives départementales. Donc pendant pas mal d'années, il y avait des usines, il y avait pour Bordeaux qui avait une importante garnison. Peut-être moins après la Première Guerre mondiale, mais il restait quand même pas mal de officiers, donc étaient logés en ville. 25 ans, tous les dimanches, il y avait la messe à la télévision. Et avant de passer la messe, ils présentaient toujours 3-4 minutes de reportage de la ville, là où ça se passait. Et en particulier sur les gens, comment ils vivaient. Et il y a eu une émission qui s'est faite à l'église d'Armiremont, et la semaine avant, donc les réalisateurs sont venus, nous ont demandé où on pouvait, dans quelle usine on pouvait les amener, on est allé à Béchamp, et ils voulaient voir les ouvriers au travail. On est arrivé dans une grande salle, il y avait 2 ouvriers. Alors ça les a beaucoup gênés, il a fallu aller chercher le concierge, le directeur, tout ça, naturellement. Ce qui les intéressait, c'était la vie des personnes, mais ça a été comme ça peut-être aussi que le textile a commencé à perdre du personnel parce que les machines étaient tellement perfectionnées que une personne pouvait faire le travail de 5 ou 6 centaines par an, plus qualifié. Il y a une recherche de personnel. Personnel, on ne le trouve pas dans les filatures de Béchamp et de la Madeleine. Ils vont vivre très mal les abus de Montefibre. Parce qu'il y a toute une partie de leur personnel qui va filer à Montefibre. Donc, il y avait des bonnes difficultés. Donc, et après, donc, il a fallu faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Il y a eu des Sénégalais. Il y a eu les Portugais, puis donc les Maghreb qui sont venus. C'est ce qu'on avait vu pour Saint-Étienne. Il y a des événements, je pense. Portugais, Saint-Étienne. D'autres questions? On a vu également à propos de Saint-Étienne, ce qu'on avait vu à propos de Cornimont, ça fera l'objet d'ici quelques mois d'une publication. Voilà. Ça sera peut-être la dernière qu'on fera sur le textile. On a fait un petit peu toutes les vallées. Maintenant, on arrive en amont. Donc, vous serez tenu au courant quand ça doit apparaître. Nous n'avons pas de réunion publique au mois de janvier parce que traditionnellement, c'est la galette des membres de la Société d'Histoire. Donc, la prochaine conférence que nous ferons ici, ça sera le vendredi 1er février, Histoire des prisons d'Ornermont à Pascal Richard. Et ça risque d'être intéressant et étonnant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les prisons d'Ornermont. Là aussi, la prison disparue, elle existait pendant longtemps. Voilà, je vous remercie de votre présence. Voilà, et bien c'était une émission un peu plus courte que d'habitude. D'habitude, on est dans le format 3 heures. Là, c'est la moitié à peu près. J'ai été obligé de réduire les choses quand je ne suis pas présent en direct à ce moment-là, en ce moment. Et je vous disais que c'était les pérégrinations autour du presbytère de Bussan qui me préoccupaient beaucoup en ce moment. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas avec vous, direct. Mais je pense que vous aurez été satisfait par cette conférence qui vous aura appris beaucoup de choses par Jean-Aimé Morizeau, vice-président de la Société d'histoire locale de Remiremont et de sa région. Voilà, bonne soirée et à bientôt, juste un peu avant le nouvel an. Hein. Voilà, bonne fête.